te sens tout seul sur cette planète. À croire que tes potos t'ont lâché. Pour survivre, tu fais des choses pas nettes. Ta vie t'es en train de la gâcher. Chez moi y'a peu d'amis, y'a trop d'ennemis. J'ai pas attendu de te voir pour qu'on me le dise. Je vois ta mère passer, elle cache bien ses douleurs. Me dit qu'elle est pressée pour le parloir, c'est bientôt l'heure. J'ai pas un à donner, j'hésite à mettre l'essence ou manger. À faire des conneries, mais la gamelle, je veux pas la manger. Ça me fait bizarre, j'entends plus ta voix. Je sais, je déconne, des fois ta mère, je vais même plus la voir. Et toi, poteau, je passe, même pas que tu me calcules. Tu parles mal dans le dos et devant moi, tu parles plus. Vous m'avez blessé, je croyais que j'étais si fort. Vous m'avez trahi, vous êtes des cyborgs. Je repense à nos embrouilles, en buvette qui est. À dire qu'à mes ennemis, je me suffis. Désolé, en ce moment c'est pas ça. Le truc c'est qu'il y a trop de vatos qui renie la race. Tu te sens tout seul sur cette planète. À croire que pour ton temps lâché. Pour survivre, tu fais des choses pas nettes. Ta vie t'es en train de la gâcher. Tu te saoules, ouais c'est dur à comprendre. Si elle sait ce que tu fais ta mère, elle va pas être contente. Tu vois les heures qui passent, t'as plus rien à faire. Tes potos d'enfance veulent te faire la guerre. Ton ancien associé t'a laissé à terre. Une envie de le braquer, il ouvre un terre-terre. Et à dire qu'au parloir, tu voyais sa mère. Connu la galère de la fouille, flexion mais en l'air. Rappelle-toi des pactages. Téléphone, shit, une putain de lame dans l'emballage. Je crois qu'ils ont oublié. Maintenant, ils te salissent pour briller. Avant, ça c'est mes arriérés. Tous vos rêves ont brillé. Je crois qu'ils ont oublié. Maintenant, ils te salissent pour briller. Tu te sens tout seul sur cette planète. À croire que tes potos t'ont lâché. Pour survivre, tu fais des choses pas nettes. Ta vie t'es en train de la gâcher. Sur cette planète, à croire que tes potos t'ont lâché. Pour survivre, tu fais des choses pas nettes. Ta vie t'es en train de la gâcher.